Exercice 2, page 31. A. Tu applaudis. B. Il a accompli. C. Elle a agrandi. D. Tu as fini. E. Il grandit. F. Elle a minci.